dit, ça fait très très longtemps que j'y pense à comment se mettre bien, moi j'ai pas ton élan. N'écoute jamais les ondits, ceux qui jactent n'ont pas vu la vie au travers de ton monde. J'ai beau parler dans leur langue, mais faut croire qu'ils n'entendent que le langage de la violence. Je me faufile en balle sur les mains, tu m'as pas vu bégayer quand fallait passer le lent. Sans caracher quand t'as négro, j'ai choisi mes modèles, c'est fiable comme un moteur allemand. Nindé sans cara, sans chicot, ouais je fais qu'écro bien plus que les grands de tes grands. J'étais ma paille, ils sont pas concentrés, j'attends pas la passe, ils peuvent pas s'entrer. Je bande tout me parle pas de basaner, on n'est pas venu ici pour se pavaner. Remballe ta CG, mais cessez. J'tourne la poignée, j'froisse le temps. J'roule comme si quelqu'un m'attend. Puis j'cale le pétard entre mes dents. Bah ouais, bah ouais. J'sors la bécane, di di de de. J'fous la peur. J'm'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. J'vois que t'es pas au départ ou en fer. La bécane crie et j'sors de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais. J'sors la bécane. La craie a focalisé. La haine que je ressens dans mes pensées. Dans ce business balisé. Ah ouais. Chant la bécani. Cani. Ouh. Et chant la bécani. Bye.